en direct du chalet. Avec Knuckles. Salutations tête de nage, je suis Knuckles et bienvenue en direct du... Évidemment, jamais. C'est toujours est-ce qu'on commencera un jour un podcast sans un fou rire? Ça va être compliqué. Ah bah non, bien sûr que non. Ah mais toi, chaque fois tu sors une connerie au début, alors... Je crois que c'est inévitable. Je suis con. Ah bah c'est Knuckles, non c'est... À chaque fois, il nous fait des surprises. Mais je suis con, forcément qu'il y aura des conneries. Allez. Que voulez-vous, c'était les vacances, il est resté trop longtemps au soleil. Oui. Exact. En direct du chalet. En direct du chalet. J'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours en compagnie de l'équipe et une petite nouveauté. Oui. Bienvenue à Cosmo. Salut Cosmo. Bonjour Cosmo. C'est elle qui doit être content parce qu'on t'attendait depuis vraiment longtemps. Surtout Taïf. La rosée tous les jours, elle a enfin repoussé. Oui. Elle est vivante. Elle a germé pendant les vacances. Oui. Salutations Cosmo, la plante. Oh non, Eggman est là aussi. Celui-là. Encore lui. Bon, je me suis presque habitué à Eggman. Voilà, vous êtes content. Et oui, je vous signale, à cause de lui, si d'une part, elle a disparu. C'est pas faux, oui. Eggman. C'était pas ma faute, j'ai juste... D'ailleurs, tu les as changés, ça fait plaisir. Bon, pour changer, c'est déjà un sacré bordel dès le début. Donc, je pense qu'on va enchaîner avec la première chose qu'on a à dire. Et oui, le Shadowban de TikTok est enfin terminé. Enfin, les armes sont trouvées. Ah, ouais, les armes. Et oui, enfin, il nous. J'ai vérifié. En fait, en repostant tout simplement un nouveau comics, en fait. Et là, on a eu de nouveau environ 1000 vues en 24 heures, ce qui était à peu près le score normal qu'on faisait à l'époque, quoi, avant le Shadowban. Oui, voilà, en gros, oui. Par contre, je le dis bien au staff de TikTok, si jamais ils nous entendent, c'est la dernière fois, je vous jure que s'ils nous refont le coup, on se barre, mais pour de bon, hein, cette fois. Ne refaites pas le coup, c'est notre travail, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est surtout qu'on fait rien de mal. Hein. Bah... Après, c'est TikTok, ils se gèrent comme ils ont envie. Hein. Oui. Bah déjà que c'est à cause d'eux qu'on est obligé de... Ouais. Surtout qu'ici, ils nous censurent nous, sachant qu'ils peuvent diffuser des trucs bien pires. Oui, c'est vrai, ça. Oh, oui. Ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de contenu discutable sur TikTok, j'ai déjà vu ça, oui. On en parle que tous les trois scrolls, j'ai un gros panini qui spawn devant moi. Un gros quoi? Panini, on va dire. On va dire que c'est un panini pour pas heurter. S'il vous plaît. Oh, vas-y, partage. Certes. Quoi? les hormones, ça va? Tu es trop jeune. C'est une super bonne brioche. Tails, fais-moi confiance. Oui, bien sûr. Tu n'es pas prêt pour... Tails, tu n'es pas prêt pour... Ce panini. Affronter l'obscurité de ce monde. Tu n'es pas prêt. C'est vrai. Disons que ce panini était plutôt bien garni. Je n'ai pas envie de te dégoûter des paninis. C'est oh non, mais tu vas pas... N'annulez pas les paninis, s'il vous plaît. Ne vous battez pas dans le chalet, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas beaucoup de place, là. En plus, c'est l'air beaucoup. Oui, et de plus, les Chili Dogs, c'est mieux. Oui, c'est vrai, ça. Pour une fois, on est d'accord. Si vous nous suivez sur TikTok, j'aurais quand même tendance à suggérer, venez quand même sur YouTube, parce qu'on sait jamais, par sécurité. Oui, de plus, on a les autres réseaux, ils sont à peu près les mêmes choses, mais sur YouTube, il y a plus, c'est là qu'il y a le plus de trucs, il y a les FAQ, il y a les lives, il y a tout ça en fait. Et puis les commentaires sont bien plus intéressants, je trouve. Oui, il y a beaucoup plus de commentaires sur YouTube qu'autre part. C'est parce qu'on a plus de monde aussi. On est genre live sur des jeux vidéo, alors passez un coup. On pourrait faire une sacrée compilation avec tous les commentaires négatifs qu'on se prend pour rien. On va faire la chanson des commentaires négatifs, figure-toi. C'est marrant. J'y travaille déjà de mon côté pour tout dire. La fameuse chanson des méchants commentaires, tiens. Ouais. À part ça, bien sûr, nous sommes revenus de nos petites vacances. Oui, on est bien reposés, on va pouvoir se remettre au dub. Qu'avez-vous fait pendant ce petit laps de temps, pendant vos petites vacances, dites-nous. Oui, je suis allé courir dans les Highlands, tout simplement, en Écosse. Voilà. J'ai vu tes photos avec Amy, vous êtes magnifiquement banal. C'est... Waouh. On a eu certaines galères, donc... Oui, il y a eu beaucoup de vent et le champ. Parce qu'il y avait le paysage est sympa, mais on a eu beaucoup de galères à gérer. Oui, la météo c'était pas terrible et puis les hôtels c'était pas terrible non plus. En même temps, pourquoi choisir un pays où il pleut tout le temps, sérieusement. J'ai pu faire quelques réparations aussi pendant mes vacances. J'ai aussi découvert un truc assez marrant il y a quelques semaines. Je sais pas si vous avez entendu parler de Suno.ai. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est le truc pour faire les chansons. T'avais fait une chanson sur moi. Merde. Ah oui, ça oui. Je m'ennuyais, j'ai découvert ça il y a un petit moment. Et c'est basiquement, vous entrez un prompt. Donc une comment je pourrais. J'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Un thème. Oui. Avec un thème, une musique. Genre une chanson rock sur quelqu'un qui aime bien manger des chili dogs, genre, je sais rien, comme par hasard. Il peut donner quelque chose qui peut être très drôle. Bon, c'est fait par l'IA, donc ça peut être. Ce n'est pas forcément parfait, d'ailleurs, ça s'entend. Mais c'est vraiment très drôle à écouter et j'ai déjà commencé à faire quelques chansons pour la team. Et personnellement, j'ai hâte de les faire partager à la communauté. Ah, ça peut être joli, ça peut être joli à voir. Bon, on peut peut-être en mettre une à la fin de ce podcast, tiens, histoire de. Oui, une tentative de générique à la fin du podcast. Oui. Oui, ça peut être une tentative et comme ça, on peut l'utiliser justement pour faire des petites musiques de pause. Je pourrais enregistrer mon générique de Bienvenue au Chalet. Voilà. Oh oui. Ouais, ça pourrait être oui, bah, évite de faire en sorte que les paroles de la chanson, ça soit juste Bienvenue au Chalet, Bienvenue au Chalet, Bienvenue au Chalet. C'est bon, au bout d'un moment, Bienvenue parfois, ils sont au Chalet. Bienvenue au Chalet. Alors, prenez sur les chansons. Un remix de la fête à la maison, mais avec mes messieurs, bienvenue au chalet. Voilà. Bienvenue au chalet. Si on a fait quelque chose en live, voilà, on saura faire quelque chose de sympa avec la communauté. Voilà. Ça peut être sympa, oui. Bon, et sinon, en tant que j'y pensais, là, juste avant les vacances, il y avait l'anniversaire de Rouge. Est-ce que... Ah, bah, joyeux anniversaire, que... Rouge. Enfin, oui, joyeux anniversaire, Rouge. Pardon, je suis là. C'est bon. Alors... Elle faisait le café. Tout à fait. Allez, servez-vous. Ah, merci. Ah, merci, c'est super. Un allongé, tout comme moi. On occupe. Et voilà. du coup, est-ce que toi et Knuckles, vous avez fait quelque chose pour votre anniversaire, du coup? Alors, Knuckles, tu veux raconter? Alors, on est... Alors, on va rester dans le family friendly, donc... Non, je rigole, il ne s'est rien passé de ce genre. Je m'en occupe, je vais raconter ce qu'on a fait. Alors, on a d'abord commencé par... Puis il m'a pris un sandwich. Non, un sandwich, pas un sandwich. Il m'a pris un sandwich. C'est bon, okay, je débouche les oreilles. C'était beaucoup trop... Vous n'avez rien entendu. Et on a fini avec un cheesecake. Oh oui, il était si bon le cheesecake. Parfois, tu sais, la nourriture aide beaucoup à comprendre les sentiments des autres, Cosmo. C'est tellement vrai. Vous êtes bizarre. En tout cas, vous êtes bien régalé, ça se voit. Oui. Oui, et c'était super. J'ai eu la diarrhée pendant 3 jours, mais c'était super. Wink, wink, nudge, nudge, n'en dis pas non, plus. Non, puis on n'en a pas eu pour cher. Pour cher, tu m'as quand même demandé une journée de garde de l'émeraude. Elle est où d'ailleurs? Mais c'est pas grand chose, enfin. Puis tu sais que je prends très soin de tous mes bijoux. Rends-lui justement l'émeraude, justement. Rends-lui, vous laissez. Est-ce qu'on se rappelle de cette fameuse journée où j'ai dû carrément taper un de tes murs pour récupérer mon émeraude? Oui, il m'en souvient, oui. Mais c'est parce que tu étais trop en avance. Oh non, ça doit être ça, ça doit être ça. Je sais garder mon émeraude, enfin. Comment ça, ton émeraude est... Je ne peux pas te faire confiance. D'ailleurs, en parlant de confiance, transition parfaite, nous allons parler du prochain sujet. Parce que oui, on ne peut pas avoir confiance en Internet. Pourquoi? Il y a encore et toujours des leaks de Sonic 3. Et oui, arrêtez les leaks, arrêtez, laissez les surprises, s'il vous plaît. Oui. Pour introduire un petit peu le leak sans vraiment vous spoiler, quelqu'un qui avait déjà leak le logo du film... a leaké 2 personnages qui devraient arriver dans le film. Je ne vous dirai pas qui, mais voilà. Et pour en plus prouver la véracité de ce leak, il a été ban. Oui. Donc c'est que le leak était plus ou moins réel. C'est vraiment important. C'est très louche. C'est louche. Attends, donc ça veut dire que le leak était vrai et pour avoir diffusé ces informations, il a été ban. Exactement. Exactement. Et ben les personnes qui ont été leaks, c'est... Non. Mais non. Non. Non. Oh, en fait, je suis content quand même. Je pouvais pas être le seul à garder le secret. J'ai des étoiles dans les yeux tellement ça explose. Les seuls qui vont être contents, c'est les théoristes. Oui, mais d'ailleurs, du côté théorie, j'ai un petit truc que j'ai trouvé qui était pas mal. Évitez de prononcer ce mot, s'il vous plaît, en public. Pourquoi Styx, elle est là ? Non, mais trop de théorie, tu les théories. Oui, mais le truc, c'est que j'ai trouvé... Alors, j'ai trouvé une feuille, apparemment, c'est une feuille qui était d'une autorisation de copyright qui a été leakée pour Sonic 3. Et ça listait en fait les jeux dont on avait l'autorisation de s'inspirer en fait pour faire le film du coup. Et parmi les jeux qui sont cités, il y a Sonic Adventure 2, c'est normal, il y a Shadow. Mmh. Sonic Évidemment. CD, peut-être Amy et Metal Sonic. Mmh. Mais j'ai aussi trouvé Sonic 06, peut-être Silver comme on en parlait au podcast dernier. Mais aussi j'ai vu Sonic Colors. Alors pourquoi Sonic Colors ? Est-ce qu'il va y avoir les Wisp ? Est-ce qu'il va y avoir Orbot et Cubot ? J'en sais rien. Les deux Sonic Bébou Robot ? Sachant que les deux boîtes de conserve sont arrivées pour la première fois dans Sonic Color, c'est possible. Mmh. Effectivement. C'est juste oui. Ouais. Personnage, j'espère juste que c'est pour l'introduction. Oh, mais ce serait plutôt sympa s'ils font justement deux comics rediff pour accompagner Eggman. Oui, tout à fait. Quoique, il avait déjà son sergent, il me semble. Oui, son bonhomme, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'aime beaucoup, lui. Il est marrant. Je peux penser à une théorie qui peut être sympa. C'est vraiment subtil, hein. Je pars très très loin. Mais et si, en fait, l'agent Rock, justement, qu'on voyait, en fait, à un moment donné, elle n'avait pas transféré son esprit. Supposons, le corps de l'agent Rock finit par mourir. Et c'est son esprit qui va dans les machines, qui va dans Orbot et Cubot. Ça va loin. C'est pas mal, oui. C'est pas mal du tout. Robotique, ça partirait quand même très loin. Ouais, ça serait triste. Ça serait triste, mais aussi, ça serait adorable de voir que, malgré tout, Eggman, il a gardé son associé dans ses deux robots préférés. Les pauvres boîtes de conserve. En tout cas, tout n'est que spéculation. On verra à la fin de l'année quand le film sortira. Comme dirait un certain YouTuber, ce n'est qu'une théorie. Oui. Oui. Bisous Game Theory. C'est ça. C'est juste une théorie. Une film théorie. Et... Coupé. Est-ce que je peux introduire le prochain sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur ? Oui. Je crois savoir ce que c'est. Oui, lance-toi. Je pense que vous savez le terrible drame qu'on a vécu en ce mois de mars. Le décès de Akira Toriyama, auteur notamment du manga Dragon Ball. Qui, vous savez, si vous suivez les podcasts et les FAQ, dont je suis très, très attaché. Ah oui, j'avais vu une annonce. Oui, c'est vrai, on n'avait pas pu en parler la dernière fois parce qu'on avait enregistré avant sa mort, mais là, du coup... Malheureusement. Du coup, là, on en profite pour en causer. Et vous savez très bien que la licence Sonic est très, très aussi attachée à la licence Dragon Ball, avec toutes ses références, tous les clins d'œil. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique sur les réseaux parce que Sega n'a pas fait de message de dommage à Toriyama. Bah, le truc, c'est que Sega, je pense pas que ce serait une bonne idée qu'ils avouent qu'ils se sont inspirés de Dragon Ball publiquement. Sinon, après, tu vas avoir la Toei ou Bandai qui va essayer de venir leur grappiller des sous. Genre, ouais, c'est à nous ça, vous nous devez des royalties et des bêtises comme ça, tu vas voir. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, ils n'ont pas fait dommage parce que la licence entière est un hommage entier à Toriyama et à ses travaux. Ouais, c'est pour pas moi, possible. C'est comme ça que je le vois. Vous imaginez si il arrive à Toriyama la même chose qu'à Walter Walt Disney avec Mickey qui est tombé dans le domaine public. Ouais. On pourrait avoir la même chose plus tard avec Dragon Ball. Non, je pense que Dragon Ball va être bien protégé. Pour l'instant, Dragon Ball appartient à la Toei Animation. Et à Toyotaro, pour l'instant, qui est l'auteur qui s'occupe de Dragon Ball Super. On t'en veut toujours, mais pour l'instant, il ne risque pas. Voilà, la franchise vivra sera pas toujours pour le meilleur, mais bon, on verra bien. Mais ça ne risque pas de tomber dans le domaine public avant un bon moment. C'est pas encore demain que vous pourrez mettre Sangoku sur vos cartes d'anniversaire sans payer des droits, voilà. On ne verra pas tout de suite le film d'horreur Dragon Ball. Tant mieux, d'ailleurs. Même s'il n'y aura pas une recrudescence du côté des fans, à la fois de Sonic et de Dragon Ball, justement des fans de recrudescence des crossovers. Freezer en 3D. Voilà, les fans. Oh non, Freezer en 3D. Je ne voudrais pas qu'il y en ait plein qui refasse surface. Pas de Eggman en 3D, pas de Freezer en 3D. C'est clair. Bah, Eggman est déjà en 3D. Eggman en 3D, hein, on l'a même en réel. Hein. Eggman est déjà il s'appelle Jim Carrey. Depuis 98, non mais tu es un peu en retard, je crois. Et attends. Le président Nixon, il est toujours président des États-Unis ou pas? Écoutez, moi, tiens, ce sera moi la président des États-Unis. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Stix, c'est parce que t'as dit le mot président. Ce sera moi. Tu es déjà tout préparé. Je suis prêt, n'hésitez pas. Le 9 juin, vous voterez pour moi. Parce oui, légalise les armes, je t'en prie. Oui, s'il vous plaît, votez. Votez Stix ou n'importe qui d'autre, mais votez. Votez Stix, elle sera toujours... Je vais pas finir ma présentation présidentielle. Votez Stix, elle sera toujours plus intelligente que le gouvernement actuel. Votez Stix, avec elle, la vie roi sûrement un visage. Bah Stix, tant que t'es là, tu veux t'installer un peu? On a des cookies. Je veux bien un cookie, grand-mère. Tiens, je te place ici, juste à côté de moi, et t'as du café. Voilà. Et peut-être un peu d'aspirine aussi. On est en train de faire un cosmo, les pauvres. Non, t'inquiète pas pour l'aspirine. Ça va? Non, j'ai bien... Oui, merci beaucoup. T'es qui, toi? C'est Cosmo, oui. Elle vient d'arriver. Oui. Salut. C'est Cosmo. Stix de Cosmo et Cosmo Stix. Voilà. Tu te souviens que je t'avais parlé d'une fois qu'on avait dû faire un voyage dans l'espace? Oui. C'est la plante vivante. Oui. Je savais. Tu fais partie des extraterrestres. Alors oui, mais si. Mais non, je déconne. Sois gentille avec elle, d'accord? Oui. Elle est très gentille, tu verras. Elle est hors limite. Elle est hors limite, s'il te plaît. Oui. Ça marche pas, problème. De toute façon, moi aussi, j'ai des plantes carnivores à la maison. Voilà. Voilà, vous pourrez collaborer surtout sur la nature. Sur la botanique, ouais. Entre grosses guillemets. Je sais pas trop parce que je prépare des remèdes avec des plantes, mais c'est pour les consommer, ça gêne pas. Consommer dans quel sens? Soyez. Sur ce sujet, si il voudrait manger Cosmo. Arrêtez la consommation de stupéfiants. Bah écoutez, merci beaucoup pour le lait, les cookies. Mais j'ai encore beaucoup de travail, vous m'excuserez, mais il faut que je recule. Il faut que je trouve un ministre des Affaires étrangères pour la prochaine. Bon courage. Hein. On se préparera pour la prochaine aventure, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il faut que tu vérifies tes pièges. Oui, juste au cas où. Ah oui, c'est vrai, sous le coussin. Surtout si tu te présentes au présidentiel. Voilà. En plus. Ça, c'est un coussin péteur de Dockums. Je vais le laisser là avant que vous sachiez. Où tu l'as trouvé? Bon, à plus tard, Stix. Bon. Bisous tout doux. À plastique. Salut. Alors du coup, en sujet, il nous reste plus que la review du jour, en fait, finalement. Alors, et quel jeu tu nous testes aujourd'hui, Knuckles? Toujours en hommage à notre très cher Toriyama, merci beaucoup. Je vais faire la petite review de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, 3e du nom. Ah, j'y avais joué, celui-là. Alors, pourquoi justement celui-ci? Je crois l'avoir parce que c'est la suite du 2, qui est lui-même la suite du 1. Bah bravo, Knuckles, merci du renseignement, heureusement que t'étais là. Il fait partie d'un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Merci Knuckles, heureusement que nous n'avons pas assez de doigts pour compter. Ouais, j'avoue, j'ai beaucoup joué avec Knuckles aussi, c'est vrai que c'est un excellent jeu DBZ, parce qu'il est sorti... C'est vraiment mauvais d'ailleurs, Sonic. c'est pas trop mon fort, les jeux de baston, oui. Mais je crois qu'il était sorti en 2008, et ils avaient fait l'exploit de mettre presque tous les persos... 2007. Du début de Dragon Ball jusqu'à 2007, oui. Jusqu'à l'OAV qu'ils avaient sorti en 2007. Et ça, c'est énorme. Ça fait un énorme roster, ça, je m'en souviens. C'est pour mais ça que j'ai pris celui-là. Il a presque autant de personnages que dans un Smash Bros. Ah, alors, il y en a beaucoup plus. Parce que dans Budokai Tenkaichi 3, tu comptes aussi les transformations. Ça fait que, transformations comprises, il y a 160 personnages différents. Déjà, par exemple, t'as trois versions de Goku, par exemple. T'as Goku dans la saga de Vegeta, t'as un Goku dans la saga de Freezer et t'as Goku dans la saga de Cell, je crois. Ils les ont pas compilés en un seul personnage, du coup. Oui, non. C'est ça. T'as Goku enfant, Goku de base Arc Saiyan, Goku de base Arc Freezer, Goku Super Saiyan Arc Freezer, Super Saiyan Oh, c'est un bordel. Oui, c'est vrai que c'était un bordel. Tu peux les faire tous s'affronter en même temps. Oui, c'est assez marrant, oui. Tu peux faire un combat Goku, Goku. C'est vrai. Et alors, aussi, ce jeu est donc la cause de pourquoi il y a énormément de planètes qui en ce moment se retrouvent détruites. Exactement. Et de pourquoi je me trouve bien supérieur à Sonic, parce que c'est un des nombreux jeux où je le démarre. Est-ce qu'il y a également les derniers personnages de DBZ comme Beerus? Alors, bah non, pas encore, parce que c'est sorti en 2007, donc c'était là, un virus. On part sur Dragon Ball Super, qui est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc, entre 2007 et 2014, il y a quand même un sacré écart. Voilà. Mais ils seront présents dans le prochain jeu Dragon Ball Sparking Zero. Et puis, toujours pas de date de sortie. J'ai oublié son nom. Lequel? Tu l'as dit une fois, j'ai déjà oublié le nom. Qui ça? Le nom du jeu que tu dois faire revue aujourd'hui. Ah, Budokai Tenkaichi 3. Voilà. Il y a un truc aussi que je surkiffe sur ce jeu, c'est que dedans, on peut jouer Tortue Géniale. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh oui. Tu le joues tout il le temps. Il est badass. Oh oui, bah, il est badass. Entre moi qui joue Majin Vegeta et toi qui joue Tortue Géniale, on ne lâche jamais nos persos. Bon, vous connaissez mon mind maintenant. Bref, pour passer à la partie review, déjà... Il a très bien vieilli graphiquement. L'intro du jeu est toujours magnifique avec Super Survivor en OST qui est incroyable. C'est quelle console le jeu? Il est sorti sur PlayStation 2. Et sur. Attends, PlayStation 2 et Wii. Oui, c'est bien. Et sur la Wii, oui. C'est bien de le préciser. Oui, je m'en souviens. Oui. La PlayStation 2, il est mieux là-dessus. Bravo pour la blague. Bref. Merci. Sacré Bref, Kane. Déjà, une des particularités du jeu, c'est son énorme roster, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Son intro, qui est toujours aussi magnifique. Et c'est devenu un running gag dans les jeux Dragon Ball. On rejoue toute la saga Dragon Ball Z. Oui, ça aussi, c'est pas mal. Ça. Moi, j'aime bien rejouer l'histoire. C'est peut-être la 20e fois qu'on doit rejouer Arc Saiyan, puis Arc Freezer, puis Arc Cyborg, puis Arc Boo. Et là, petite nouveauté, s'il vous plaît, Arc Dragon Ball GT. S'il vous plaît. Je comprends. C'est vrai qu'ils ont inclus GT aussi, oui. Ce qui est bien en quelque sorte, parce que comme ça permet de ramener aussi aux nouveaux joueurs et de leur présenter aussi ces nouvelles périodes qui sont présentes, comme les anciennes d'ailleurs. Ça perd personne comme ça. Ouais. C'est toujours plus rapide que de les regarder en 19 épisodes. Oui, c'est d'ailleurs, vrai. Il y a aussi, si ma mère ne fait pas défaut, il y a un perso ne faisant pas vraiment partie de Dragon Ball, mais d'un autre manga de l'auteur qui s'appelle Dr. Slump, si vous connaissez Harley Norimaki. Oui, c'est vrai, il y a Harley dans le jeu. Ah oui, Dr. Slump. Wow. Bah, tu l'as prononcé sans faute, bravo. Mais c'est sans trop bien qu'il l'ait mis. Yeah. Que puis-je dire d'autre sur le jeu? Bah, déjà, niveau gameplay, c'est ultra plaisant à jouer. Sinon, on n'y jouerait pas autant avec Sonic. Bah, le gameplay, la maniabilité des personnages... Le jeu est encore très fluide. Très bien, c'est un mode histoire. Alors, le mode histoire, bah, du coup, on rejoue les sagas. Il y a un mode championnat, un mode tournoi, bref, comme dans tous les jeux. Il y a, bien sûr, le mode entraînement. Il y a le mode mission 100, où vous affrontez plusieurs équipes d'adversaires et il faut avoir le meilleur score possible avant de mourir. Je m'en rappelais plus de ça, tiens. Il y a aussi le mode fusion de disques que je trouve vraiment cool, où on peut rejouer les combats des jeux précédents, donc Budokan Tenkaichi 1 et 2. Ah oui. C'est pour les nostalgiques des anciens jeux, c'est vraiment génial. C'est quoi? C'est juste des autres plateformes? C'est les jeux précédents, en fait. C'est les comment on dit? Préquels. Les préquels. Même si on rejoue les mêmes combats, genre ça reste Arc Saiyan, Arc Freezer, bref. Ah, d'accord. Vous avez compris. Et comme ça, c'est bien, parce que comme ça, t'as pas besoin de te dire « Ah ben, si t'achètes pas ce jeu, en fait, tu dois jeter les anciens. » Non, les bonnes compilations, cette fois. Exactement. Ils savent bien entretenir la hype. Oh ouais. Et d'ailleurs, en parlant des tournois, il y a un tournoi que je trouve vraiment un peu débile. Il y a bien sûr le Cell Game, un grand tournoi, le tournoi Light, etc. Et il y a le tournoi de Yamcha. Genre, Yamcha a son propre tournoi. Ouais, moi je l'aime bien, Yamcha. Oui. Enfin, je l'aimais bien dans Dragon Ball, en fait. Après, dans Dragon Ball Z, ils en ont fait n'importe quoi, mais... Yamcha a perdu de sa superbe dans Dragon Ball Z, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Un peu comme Yakube, quand il distribuait... je crois qu'il tenait la boutique celui de PlayStation 2, dans le 2. Toutes les capsules que tu pouvais acheter, les améliorations, les boosters, les sortes de Netflix. Ah, c'est possible, je m'en rappelle plus, moi. Alors ça, je sais plus, moi je faisais que les combats, je tapais, voilà. Moi pareil. Hein. Ah bah, ça... Mais Nick Knuckles, n'est-ce pas ce que tu fais pratiquement tous les jours, taper. Et pour ça que j'adore ce jeu. Bah oui, c'est logique. Tu fais penser à Miguel dans les As de la Jungle. Taper. C'est un jeu à jouer en ce moment si vous êtes nostalgique, c'est ça? C'est ça, avant de, bien sûr, en attendant la sortie du prochain, donc Sparking Zero. Si vous avez les consoles nécessaires, vous pouvez jouer au Budokai Tenkaichi, qui sont les jeux qui précèdent Sparking Zero qui arrive. Pour vous faire une idée de comment le gameplay a évolué, les graphismes, etc. etc. Et surtout le roster. Et du coup, ta note finale en toute objectivité? Bah sur 20, non, je rigole. En toute objectivité, j'ai dit. Alors, c'est pas mes jeux favoris. Ce n'est pas mes jeux favoris Dragon Ball, parce qu'il y a quand même Raging Blast... Et Burst Limit, bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu du charabia. Mais je lui mets quand même On va en parler pour une prochaine review. Peut-être. On va en parler. Au revoir. JDG s'en occupe déjà très bien. Allez, regardez les vidéos de JDG sur Dragon Ball. Joueur du grenier version Knuckles, oui. Du coup, ma note finale, si je parle seulement avec la passion, c'est 82 sur 20, mais. Ou Knuckles sur 20. Mais faudrait la noter celle-là. Ah bah au moins tu ne seras pas jugé. Sera pour les citations du site de la team. Allez voir le site de la team. Voilà. Que voulais-je dire? Oui. Alors ce n'est pas mon jeu favori. Peut-être que j'en parlerai bien sûr de Burst Limit, qui est mon jeu Dragon Ball favori. Mais je lui mets la très belle note de 15 sur 20. C'est bien, c'est bien. Nice. Une note méritée, je pense. Oui, moi j'aurais mis pareil, je pense aussi. Un excellent jeu. D'ailleurs, Sonic, tu veux ton... Attends, j'avais noté 253e revanche. Ouais, il faudra qu'on se fasse ça, oui. On a qu'à se faire ça, tiens, après l'enregistrement. Bien sûr. Vous m'attendez, là, pour jouer. Ah bah oui, viens jouer avec... En plus, on peut jouer à 4, l'occasion d'affronter Tails. En plus, on peut jouer à 4, il me semble, non? Je sais plus. On peut jouer à... Non, c'était 1v1. Ah, c'était 1v1? Ah. Oui, c'était 1v1. Je confonds avec un autre, alors. En cas, on peut faire un tournoi, et tout le monde peut participer. Ah oui, tiens, oui, on peut faire ça. Ça veut dire qu'il viendrait me faire son 253e câlin? Je veux dire... Oh, désolé, j'ai sorti les fallait pas le dire. Oh. Avant de nous quitter, j'avais une dernière remarque à faire. Quatrième podcast sans sponsorisation Lego. On vous attend toujours. Oui, on attend. Allez, hein. Voilà, ou NordVPN. NordVPN m'a toujours pas contacté. Toujours pas. Oui, toujours rien. Alors que ils sponsorisent tout le monde, mais eux, mais à nous, ils viennent pas nous parler, quoi. C'est parce qu'on est, on est bah bientôt. Sinon, je peux invoquer. Sinon, je peux invoquer un nouveau concurrent, RhinoShield. Rhino quoi? Voilà. Sur ce, à moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à dire, on peut s'arrêter là, peut-être. Bah moi, c'est bon là. Peut-être. J'ai regardé le dernier mètre de l'air. Ah moi, je l'ai vu moi. Oh, l'adaptation était géniale. Je l'ai vu moi aussi. Il était excellent. J'ai hâte de voir la prochaine saison. On en parlera peut-être dans... On en parlera peut-être dans un prochain podcast. On parlera peut-être des adaptations live-action Netflix. On sait pas. Ouais, bonne idée, tiens, on va faire ça. Par qualité personne qui arrive aussi. Il y a Parasite qui est arrivé. Bref, on peut parler plein de choses. Live-action Netflix, peut-être. Peut-être. Beaucoup de sujets. Oui. Oh, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir une série comme ça. Ah, ça y est, Tails est parti. Au secours, arrêtez-le. Vite, vite, Tails, je te fais une proposition. Mois prochain, on parle de toutes les adaptations d'animés en live action Netflix. Qu'en dis-tu? Avec plaisir. Voilà. On parlera d'un autre live action, mais ça, petite surprise, Dragon Ball Evolution. Alors. Il y a beaucoup à dire. On peut faire la conclusion, Knuckles? Oui. Merci de nous avoir écoutés. merci pour votre accueil concernant notre retour et concernant notre petite Cosmo. beaucoup merci de... Aïd. Mettez beaucoup de likes pour elle, s'il vous plaît. Oui, likez, abonnez-vous, etc. Tiens, voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Merci à mon équipe d'avoir encore une fois été là. Et merci à toi. La Sonic Team vous embrasse. Et on vous dit à la prochaine pour la prochaine. Bisous tout doux. Bye bye. Bye. Au revoir. Bye bye. Hey. La Sonic Team, on sait quoi ce bruit dans nos